lorsqu'est venu à nous un homme qui avait des vêtements d'une grande blancheur, qui avait des cheveux très noirs, et aucun signe et aucune trace de voyage n'était visible sur lui, et aucun d'entre nous ne le connaissait. Il s'est alors assis au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a collé ses genoux à ses genoux, c'est-à-dire qu'il a collé ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a posé ses mains sur ses cuisses, c'est-à-dire sur ses cuisses à lui, et a dit: « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: « L'islam, c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. C'est d'accomplir la prière, c'est de s'acquitter de la zakat, c'est de jeûner le ramadan, et c'est d'accomplir le pèlerinage de la maison, si tu en as la possibilité. » L'homme a dit: « Tu as dit vrai. » Et Omar radiallahu anhu a dit: « Nous étions étonnés qu'il questionne et qu'il valide la réponse en disant: tu as dit vrai. » Puis l'homme a dit, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Informe-moi sur la foi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « C'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. » L'homme a dit: « Tu as dit vrai. » Puis il a dit: « Informe-moi sur la bienfaisance. » Il a répondu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam: « C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, lui il te voit. » Puis l'homme a dit: « Informe-moi sur l'heure. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: « Celui qui est questionné n'en sait pas plus que celui qui questionne. » Puis l'homme a dit: « Informe-moi alors sur ces signes. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: « C'est lorsque l'esclave enfantera sa maîtresse, et lorsque tu verras les gens pieds nus, les bergers pieds nus, qui se concurrenceront dans la construction d'édifices. » Puis il est parti, c'est-à-dire l'homme. Et Omar radiallahu anhu a dit: nous sommes restés un instant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Omar, sais-tu quelle est cette personne qui est venue me questionner? Il a répondu: Allah et son envoyé sont les plus savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى معلقا على بعض ألفاظ الحديث: جلوس أي ذات يوم، هنا تفيد النكرة أي في يوم من الأيام. شديد بياض الثياب أي عليه ثياب. شديد سواد الشعر أي أنه شاب. لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث، ولا شعث السفر لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه منا أحد أي وليس من أهل المدينة المعروفين فهو غريب. يا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى explique les différents termes du hadith pour donner un premier éclaircissement et ensuite entrer dans les détails. Il dit, en expliquant la parole de Omar: nous étions assis un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce n'était pas un jour précis, mais un jour parmi tant d'autres. Shadid ubayyad al-thiyab, et cet homme avait des vêtements très blancs, c'est-à-dire qu'il portait des vêtements. Il avait des cheveux noirs, cela sous-entend que ce n'était pas un vieillard, que ce n'était pas une personne âgée, mais au contraire c'était une personne qui était jeune. Aucune trace de voyage n'était visible sur lui, c'est-à-dire que ses vêtements étaient blancs, que ses cheveux étaient noirs, qu'il ne contenait pas de poussière, ni de sable, ni de traces qui pourraient laisser croire que cette personne est venue d'un long voyage. Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les voyageurs, on les reconnaissait. On savait qu'un tel était voyageur, à la saleté de ses vêtements, à la texture de ses cheveux, si ses cheveux étaient nets ou pas, si ses cheveux contenaient du sable ou autre. On reconnaissait à première vue un voyageur au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cet homme, non. Aucune trace n'était apparente. Et personne d'entre nous ne le connaissait. C'est-à-dire qu'en plus du fait que aucune trace et aucun signe de voyage n'était apparent sur lui, personne des gens de Médine ne le connaissait. C'était donc un étranger. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عنده ليفيد الغاية أي أن جلوسه كان ملاصقا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه أي كفي هذا الرجل على فخذيه أي فخذي أو فخذي هذا الرجل وليس على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من شدة الاحترام jusqu'à ce qu'il se soit assis au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit jusqu'à ce qu'il se soit assis à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiallahu anhu a utilisé le terme ila pour montrer que cet homme est venu s'asseoir très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas à proximité seulement. C'est pour cela qu'il a dit, et il a collé ses genoux à ses genoux. C'est-à-dire que cet homme est venu jusqu'à devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a collé ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a posé ses mains sur ses cuisses, c'est-à-dire sur ses cuisses à lui et non pas sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci montre le respect qu'il y avait vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Tout le monde le respectait. Les étrangers, comme ses compagnons radiallahu anhum, lorsqu'ils étaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'osaient à peine le regarder dans les yeux, au point que certains compagnons ont dit « Je n'ai jamais vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam » par honte vis-à-vis de lui. Et lorsque les compagnons radiallahu anhum assistaient à une assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils restaient immobiles et on aurait cru qu'il y avait des oiseaux sur leur tête. Un oiseau, lorsqu'il est sur ta tête, pour qu'il y reste, il ne faut pas que tu fasses de mouvement. Il faut que tu sois quasiment immobile pour ne pas faire peur à cet oiseau et qu'il s'en aille de dessus ta tête. وقال يا محمد ولم يقل يا رسول الله ليوهم أنه أعرابي لأن الأعراب ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام. Et cet homme a dit ô Muhammad. Il a dit ô Muhammad pour faire croire aux gens que c'était un bédouin, pour faire croire aux gens que c'était un bédouin, car les bédouins, lorsqu'ils venaient de la campagne et du désert, ils appelaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Ils disaient ô Muhammad, et ceci était connu comme comportement chez les bédouins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des personnes qui étaient franches et qui était peu éduqué du fait qu'il soit éloigné des gens et du fait aussi qu'ils élevaient des chameaux et des chamelles. Et il est connu que celui qui élève des animaux en s'éloignant des gens est imprégné par ces animaux. un berger ou celui qui élève des moutons ou des vaches, il aura un tempérament doux, un tempérament calme, un tempérament compréhensif, le même que les animaux qu'il élève. De même, celui qui élève des chameaux, et tout en étant éloigné des gens, sera imprégné par le caractère de ces chameaux, à savoir la dureté, à savoir la force, etc. Donc les bédouins qui vivaient à l'extérieur de la ville et qui élevaient pour la plupart des chameaux et chamelles étaient imprégnés par le comportement de ces animaux. Pour cela, vous connaissez tous l'histoire où le bédouin est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait dans la mosquée ? Il a uriné, car c'était des personnes qui n'avaient pas d'éducation. Et pour eux, pour lui, il était entré dans un endroit où il y avait du sable, où il se cachait, entre guillemets, de la vue des gens, et il a uriné. Pour lui, ce n'était pas quelque chose d'anormal, ce n'était pas un manque de respect, car il n'a pas eu l'éducation qu'ont les gens qui vivent en ville, et plus précisément les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient comme professeur l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et cet homme qui est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Ô Muhammad », pour faire croire aux gens qu'il était bédouin et qu'il n'était pas éduqué. Il n'a pas dit: « Ô envoyé d'Allah, akhbirni anil islam, ayma huwa l'islam, akhbirni anhu. » Informe-moi sur l'islam, c'est-à-dire donne-moi des informations sur cette religion. Quelle est-elle ? Al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tashhada ay tuqir wa ta'tarif bi lisanika wa qalbik. Fala yakfi al-lisan, bal la budda min al-lisan wal qalb. Qala Allahu 'azza wa jalla: illa man shahida bil haqq وهم يعلمون إلا من شهد بالحق أي بلسانه وهم يعلمون أي ما في قلوبهم وأن محمد رسول الله أي وتشهد أن محمد رسول الله ولم يقل أني رسول الله مع أن السياق يقتضيه لأنه يخاطبه لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيما وقوله محمدا هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل ليس من ذرية إسماعيل رسول سواه. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: l'islam, c'est d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. C'est-à-dire attester, reconnaître avec sa langue, mais aussi avec son cœur. La langue ne signifie le reconnaître qu'Allah, ou que la seule divinité qui mérite d'être adorée est Allah, de le reconnaître avec la langue uniquement n'est pas suffisant. Il faut à la fois le proclamer avec la langue, mais aussi que ceci soit ancré dans le cœur. Et la preuve qu'a cité الشيخ العثيمين رحمه الله إلى قول الله عز وجل في سورة الزخرف الآية 86: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Sauf ceux qui ont attesté de la vérité tout en sachant. الله عز وجل a dit avant ce verset: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Allah Azza wa Jalla a dit au début de ce verset: et ceux qu'ils adorent ou ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne peuvent pas intercéder en la faveur, sauf pour ceux qui ont attesté de la vérité tout en sachant. Ici dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit sauf ceux qui ont attesté de la vérité, c'est-à-dire qui ont proclamé la vérité avec leur langue, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, tout en sachant, c'est-à-dire tout en reconnaissant cette vérité par leur cœur. Donc, croire et attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le proclamer avec sa langue, mais pas seulement, mais c'est aussi de le croire et de l'attester et de le reconnaître avec son cœur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. » C'est-à-dire que tu dois également attester et croire que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Et de croire que je suis l'envoyé d'Allah. » Alors que cela aurait pu être justifié. Mais le fait de dire que Muhammad est l'envoyé d'Allah, ceci montre de façon plus éloquente et de façon plus évidente que Muhammad est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad, c'est Muhammad ibn Abdullah, le fils de Abdullah, al-Hashimi, al-Qurashi, de la tribu de Quraysh, min dhurriyati Ismail, de la descendance de Ismail alayhi salam, qui n'est autre que le fils de Ibrahim alayhi salam. Et parmi les prophètes, le seul qui a pour ancêtre ou qui découle de la descendance de Ismaïl est notre prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est une de ses particularités, c'est qu'il découle directement de la descendance de Ismaïl alayhi salam, et c'est le seul prophète et envoyé d'Allah qui fait partie de cette descendance bénie. Rasulullah bima'na mursal. والرسول هو من أوحي من أوحى الله بشرع من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. إذا تستك محمد l'envoyé d'Allah. L'envoyé d'Allah, c'est-à-dire celui qui a été envoyé, le messager, c'est celui à qui Allah Azza wa Jal a révélé une législation et a ordonné à cet envoyé de transmettre cette législation et de la mettre en pratique. C'est la définition d'un envoyé. C'est celui à qui Allah Azza wa Jal a révélé une législation, une religion, et à qui il a ordonné, c'est-à-dire à cette personne et à cet envoyé, de transmettre cette religion et de la mettre en pratique. Wa tuqim as-salah, ay ta'ti biha qa'imatan tammatan mu'tadila. وكلمة الصلاة تشمل الفريضة والنافلة وتؤتي الزكاة تؤتي بمعنى تعطي والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبدا لله وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة وتصوم رمضان أي تمسك عن المفطرات تعبدا لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأصل الصيام في اللغة الإمساك وتحج البيت أي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبدا لله. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et d'accomplir la prière, c'est-à-dire de la faire de façon complète et en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la parole prière qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe à la fois les prières obligatoires ainsi que les prières surérogatoires. Puis de t'acquitter de la zakat. De t'acquitter de la zakat, c'est-à-dire de donner la zakat. Qu'est-ce que la zakat? La zakat, c'est de l'argent que tu dois obligatoirement donné à ceux qui le méritent, et ceci par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de donner des biens de façon obligatoire, c'est-à-dire que tu dois obligatoirement donner ces biens, non pas à n'importe qui, mais aux personnes qui le méritent, et non pas pour n'importe quelle raison, mais en guise d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quels sont ces biens? Ce sont l'or, l'argent, les bestiaux, ce qui sort de la terre, autrement dit les récoltes, et urud al-tijara. Urud al-tijara, ce sont le stock des entreprises. Un entrepreneur ou un commerçant a un stock de marchandises, et selon l'avis de certains savants, la zakat doit être donnée sur ce stock de marchandises également. De jeûner le ramadan, c'est-à-dire de s'abstenir de tout ce qui annule le ramadan, et ceci par adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et la base ou la signification du terme siyam, du terme jeûne en arabe, vient du fait de s'abstenir et d'accomplir le pèlerinage de la maison, c'est-à-dire de se rendre à la maison, c'est-à-dire la maison d'Allah Azza wa Jal, qui est la Kaaba, pour accomplir des rites dans une durée bien déterminée, et ceci pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de se rendre dans la maison d'Allah qui est la Kaaba pour y accomplir des rites durant une période déterminée, et ceci pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. In istata'ta ilayhi sabila, si bien sûr tu en as la possibilité. صدقت القائل صدقت جبريل عليه السلام وهو السائل كيف يقول صدقت وهو السائل لأن الذي يقول صدقت للمتكلم يعني أن عنده علما سابقا علم بأن هذا الرجل أصابه وهو محل عجب ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأله ويصدقه لكن سيأتي إن شاء الله بيان هذا. Puis l'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit vrai. Qui a dit vrai ou qui a dit tu as dit vrai? C'est Jibril alayhi salam, alors que c'est lui-même qui questionnait. Comment peut-il dire tu as dit vrai alors que c'est lui qui demande? Car en général, celui qui demande a besoin d'une science. Or, celui qui atteste qu'une parole est vraie, cela sous-entend qu'il avait connaissance de ceci avant même d'avoir posé la question. Et c'est pour cela que les compagnons étaient étonnés de cette personne qui pose une question et qui, après avoir eu la réponse, certifie qu'elle est bien vraie. ثم تطرق الشيخ رحمه الله لشرح الأركان الخمسة من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هنا مسألة: لماذا جعل هذان الركنان ركنا واحدا ولم يجعل ركنين؟ الجواب أن الشهادة بهذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها، لأن الشهادة أن لا إله إلا الله تستلزم الإخلاص، والشهادة أن محمد رسول الله تستلزم الاتباع، وكل عمل يتقرب أو يتقرب له إلى الله يتقرب له إلى الله لا يقبل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود بحق إلا الله. Puis, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, explique de façon brève les cinq piliers de l'islam. Le premier étant l'attestation qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Il y a ici un sujet ou une question qui se pose, et pourquoi est-ce que ce pilier n'est pas deux piliers? Pourquoi est-ce que c'est un seul pilier alors qu'il comporte deux choses, à savoir attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et attester également que Muhammad est l'envoyé d'Allah? Pourquoi en avoir fait un pilier et non pas deux? La réponse est que l'attestation de ces deux choses, à savoir qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, qui ne mérite d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, sur ces deux attestations repose l'ensemble des actes et l'ensemble des adorations. Car le fait d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, ceci impose la sincérité. Et le fait d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, ceci impose le suivi. Et tout acte qui est fait pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être accepté que lorsque ces deux conditions sont acquises, à savoir la sincérité vis-à-vis d'Allah azza wa jal et la totale concordance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وأشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه للعجز والشهادة باللسان لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون لله بالوحدانية ولكنهم يشهدون بألسنتهم فَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ فَلَيَنْفَعُهُمْ. Et j'atteste signifie que j'atteste par mon cœur en le prononçant par ma langue. J'atteste par mon cœur tout en le prononçant par ma langue, c'est-à-dire qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Car l'attestation par la langue révèle ce qu'il y a dans le cœur. C'est pour cela qu'une personne muette, qui ne parle pas, qui ne peut donc pas prononcer la shahada, il lui suffit alors d'attester de tout ceci avec son cœur, car il n'aura pas d'autre choix. Quant à se contenter de l'attestation par la langue uniquement, ceci n'est pas suffisant. Ceci n'est pas suffisant. Et la preuve est que les hypocrites attestent qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne l'attestent qu'avec leur langue. Et comme l'a dit Allah azza wa jal, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ fi qulubihim, ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et c'est la définition même de l'hypocrisie, c'est de faire croire aux autres ce que tu n'es pas, c'est de dire aux autres ce que tu ne penses pas et ce qui n'est pas ta croyance, voire ce qui est le contraire. Wa la ilaha illallah ila ma'buda bihaqqin illallah wa bitaqdirina al-khabar bihadhihi al-kalima haqq يتبين الجواب عن الإشكال الثاني وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله آلهة وسماها عابدوها آلهة قال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فبتقدير الخبر في لا إله إلا الله نقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها باطلة وليست آلهة حقة وليس لها حق الألوهية من شيء. لا إله إلا الله, il n'y a de vraie divinité qu'Allah, c'est-à-dire qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le terme vrai dans la définition ou dans la traduction est justifié et il n'a pas été choisi par hasard. Car si on traduit textuellement la parole La ilaha illallah, cela donnerait il n'y a de divinité qu'Allah. Il n'y a de divinité qu'Allah. Mais certains pourraient dire cette parole est fausse. Pourquoi dites-vous il n'y a de divinité qu'Allah alors qu'Allah lui-même a attesté qu'il y avait d'autres divinités? Allah lui-même a attesté qu'il y avait d'autres divinités comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Hud, le verset 101, leur divinité qu'ils invoquaient en dehors d'Allah ne leur servait à rien. Donc Allah Azza wa Jal les a appelés divinités. Comment dire donc alors et de faire de l'emblème de cette religion La ilaha illallah, qui lorsqu'on la traduit littéralement signifie il n'y a de Dieu qu'Allah, ou il n'y a de divinité qu'Allah, alors qu'il y a d'autres divinités. Pour cela, qu'il faut ajouter, et que cela sous-entend bien sûr, qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Pour cela que de traduire la ilaha illallah en disant il n'y a de divinité qu'Allah est faux. Il faut dire il n'y a de vraie divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car effectivement, il y a d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Certains adorent les vaches, d'autres les pierres, d'autres des statues, d'autres adorent Jésus, Uzair et autres. Tous ceux-ci sont considérés comme des divinités chez ceux qui les adorent. Donc oui, il y a d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, mais ce sont toutes des fausses divinités. Ce sont toutes des divinités qui ne méritent en aucun cas qu'on leur accorde la plus petite ou la plus minime des adorations. Toutes les adorations, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur importance, toutes les adorations, sans aucune exception, doivent être dédiées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la seule et vraie divinité subhanahu wa ta'ala. Donc de dire vraie divinité répond à cette problématique qui pourrait être exposée par certains. Illallah alamun ala rabb subhanahu wa ta'ala la yusamma bihi ghayru wa ha aslun min asma'illah wa lihada ta'ti al-asma'u tabi'atun lahu. Et Allah, c'est un nom qui signifie ou qui désigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne n'a le droit de s'appeler Allah. Nous n'avons droit d'appeler Allah qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Pour cela, et c'est la base des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est la base des noms, et c'est pour cela que dans le Coran, vous verrez toujours, sauf dans un seul verset qui est une exception, Allah Azza wa Jal être précédé de ses autres noms. Wa kana Allahu azizan hakima, wa kana Allahu aliman khabira, wa kana Allahu aliman hakima, wa kana Allahu samian basira. Vous verrez toujours les autres noms d'Allah Azza wa Jal suivre le nom, son premier nom qui est Allah. Sauf dans un verset, ila sirat al-aziz al-hamid Allahi, ila sirat al-aziz al-hamid Allahi, qui est une seule exception, mais tous les autres versets dans le Coran, les autres noms d'Allah Azza wa Jal suivent toujours son nom principal qui est Allah. Mas'ala, هل هذه الشهادة تدخل الإنسان في الإسلام؟ Il y a une question que Cheikh Ibn Uthaymin pose. Est-ce que cette attestation fait entrer la personne en islam? الجواب نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها تعوذا فإننا نعصم دمه وماله ولو ظننا أنه قالها كذبا إذن نحن ليس لنا إلا الظاهر حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذا فإنها تعصمه. La réponse est oui. Cette attestation, à savoir d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, fait entrer la personne ou l'être humain en islam. Même si nous pensons qu'il l'a dite pour se protéger, à partir du moment où il l'a dite, son sang et ses biens nous sont sacrés. et même si nous pensons et nous avons une forte suspicion sur le fait qu'il l'ait dite sans y croire ou qu'il l'ait dit en mentant, nous devons donc nous consacrer ou nous focaliser sur l'aspect extérieur, même si nous pensons qu'il l'a dit pour se protéger. Et vous connaissez tous le hadith de Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, qui lors d'une bataille a abattu au combat un polythéiste, et lorsque Usama ibn Zayd s'apprêtait à lui porter le coup fatal, qu'est-ce qu'a dit cet homme ? Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Mais Usama ibn Zayd l'a quand même tué, car il considérait que cette parole avait été dite, ou que ce polythéiste avait dit sa parole pour sauver sa vie et pour être épargné de ce coup fatal. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris ce que Usama ibn Zayd a fait, Usama ibn Zayd, qui était le fils de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, le bien-aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et son fils adoptif, Zayd ibn Haritha, qui était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup, lui et son fils radiallahu anhuma. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cette nouvelle, il s'est énervé, son visage a rougi et a dit à Usama ibn Zayd, que feras-tu avec la ilaha illallah le jour du jugement? Que feras-tu de la ilaha illallah le jour du jugement? Que feras-tu de la ilaha illallah le jour du jugement? Et Usama ibn Zayd a dit, ô envoyé d'Allah, mais il n'a dit cette parole que pour se protéger et pour sauver sa vie. Et le prophète Hassim lui a dit, as-tu ouvert son cœur? As-tu ouvert son cœur pour dire une telle parole? Et Usama ibn Zayd avait eu des regrets et des remords au point qu'il aurait aimé ne pas avoir embrassé l'islam que après ce jour. Donc ce n'est pas quelque chose de simple de considérer qu'un tel a attesté ou s'est converti parce qu'il a été motivé par le mariage avec une musulmane, ou parce qu'il a des profits dans cette vie d'ici-bas ou autre. Une personne qui vient à nous se convertissant à l'islam, nous devons accepter son islam, et ce qu'il y a dans son cœur, il en sera jugé le jour du jugement, lorsqu'il sera devant Allah Azza wa Jal, et entre lui et son Seigneur, aucun interprète. وقوله وأن محمد رسول الله أي أن تشهد أنه رسول الله أي مرسله إلى الخلق ورسوله ومن أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يحتاجوا إلى رسول ثم كثروا واختلفوا فكانت حاجتهم إلى الرسل فأرسل الله تعالى الرسل ولهذا كان أول الرسل نوحا عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان بأن محمد رسول الله ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'attester que Muhammad est l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire que tu dois croire que c'est l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire qu'il a été envoyé par Allah Azza wa Jal vers les créatures. Et l'envoyé, comme je l'ai dit, c'est celui à qui Allah Azza wa Jal a révélé une législation et à qui il a ordonné de le transmettre et de la mettre en pratique. Et les gens, avant l'arrivée de Nuh alayhi salam, étaient une seule communauté. Avant l'arrivée de Noé alayhi salam, les êtres humains ne formaient qu'une seule et même communauté. Et ils n'avaient donc pas besoin d'envoyer, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin qu'Allah Azza wa Jal leur envoie des envoyés qui viennent avec une législation qu'ils doivent transmettre. Mais lorsque les gens, leur nombre s'est accru et qu'ils se sont divisés et se sont dispersés dans la terre, ils ont eu donc besoin d'envoyer, et Allah Azza wa Jalla a envoyé effectivement ses messagers. Pour cela que le premier des envoyés est Nuh alayhi salam et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc croire obligatoirement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, et nous devons également croire que c'est le dernier des prophètes et messagers, que c'est le dernier des prophètes et messagers, et tous ceux qui après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prétendu ou prétendent jusqu'à ce jour être des prophètes ou être des envoyés d'Allah, ce sont tous des charlatans, ce sont tous des menteurs, ce sont tous des profiteurs. Et Musaylama al-Kadhab, qui après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam a prétendu être un envoyé et un messager, Allah Azza wa Jal l'a humilié à plusieurs reprises. Et à titre d'exemple, Allah Azza wa Jal l'a humilié lorsqu'à son époque, des personnes qui vivaient à la campagne se plaignaient d'un manque d'eau. Le puits qu'ils avaient à leur disposition, l'eau diminuait chaque jour de plus en plus. Ils sont alors allés voir Musaylama al-Kadhab, le menteur, afin qu'il aille devant ce puits et qu'il y crache ou qu'il y verse de sa salive afin que le puits yani, redevienne abondant en eau. Et Musaylama al-Kadhab a répondu à leur appel. Et lorsqu'il s'est mis devant ce puits et a craché de sa salive, les gens croyant que c'était un envoyé d'Allah et donc que des miracles pouvaient être issus de cette personne bénie, soi-disant, Allah Azza wa Jal a fait en sorte que lorsque cette salive est tombée dans ce puits s'est asséché totalement. Ce puits s'est asséché totalement, et les savants ont déduit qu'il y a des choses qui sont des miracles, qu'Allah Azza wa Jal donne des miracles aux envoyés et aux prophètes pour prouver aux gens qu'ils sont venus avec la vérité. Et d'autres, après les prophètes et envoyés, ont des miracles, les saints et ceux qui sont aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala peuvent aussi avoir des miracles qui interviennent, c'est-à-dire ces miracles, pour renforcer la foi de cette personne ou pour la réconforter à savoir qu'elle est dans la vérité et pour l'encourager à adorer Allah Azza wa Jal et accentuer dans ses adorations. Mais également, des choses extraordinaires peuvent intervenir sur des personnes qui sont égarées, comme Musaylama al-Kadhab, qui a prétendu être un prophète, et Allah Azza wa Jal l'a humilié en faisant apparaître un miracle qui n'était pas en sa faveur, bien au contraire, qui était en sa défaveur. Donc, il faut croire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et envoyés, et il faut en avoir la certitude. شهادة أن محمد رسول الله تستلزم أمورا منها الأول تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم بل يكون في قلبه أشد مما نطق كما قال تعالى في القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نعلم أنه الحق لكن بيننا وبينه مفاوز وهو السند لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمامنا لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب علينا تصديقه سواء علمنا وجهه أم لم نعلم. De croire et d'attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, ceci sous-entend beaucoup de choses. Et ceci impose beaucoup de choses où de cette attestation découle beaucoup de jugements. Le premier de ces jugements, c'est de rendre véridiques toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les considérer vraies, de telle sorte que le musulman ne doit avoir aucun doute, ne doit avoir aucun doute sur les choses dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit être même persuadé comme il est persuadé qu'il parle. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné, à savoir cette religion immense, est aussi vrai que le fait que nous parlions. Lorsque tu parles, est-ce que tu es persuadé de parler ? Est-ce que c'est quelque chose qui est sûr ou il y a une part de doute ? Non, quand tu parles, tu es sûr et certain, à 100%, tu n'as aucun doute que tu parles. Eh bien également, tu dois être sûr que tout ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vrai, comme tu es persuadé que tu parles. Nous devons donc croire que c'est la vérité, mais il y a entre nous et le prophète sallallahu alayhi wa sallam un obstacle qui est la chaîne de transmission. Pour cela, que nous devons dire que lorsque la chaîne de transmission est authentique ou lorsqu'elle est bonne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous devons obligatoirement croire en cette parole, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas devant nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas devant nous, il y a un obstacle. Et avant de considérer vraie cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut d'abord que ce chemin qui nous amène à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam soit attesté comme étant véridique, comme étant vrai, et nous assure que effectivement cette parole est bien celle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. الثاني امتثال امره ولا نتردد فيه لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا أقول من الخطأ أن بعضهم إذا جاءه الأمر من الله ورسوله بدأ يتساءل فيقول هل للوجوب أو للاستحباب كما يقوله كثير من الناس اليوم. Le deuxième jugement qui découle de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est de mettre en pratique tous ses commandements et tous ses ordres, et de ne pas hésiter à appliquer les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve est la parole d'Allah azza wa jal dans sourate Al-Dhariyat, le verset 23. Et il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, lorsqu'Allah et son envoyé ont décrété un commandement, d'avoir encore le choix sur leur sujet. C'est-à-dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam ont décrété un commandement, il n'appartient pas aux croyants ou aux croyantes par la suite d'avoir le choix, c'est-à-dire de se donner le choix à savoir est-ce que je mets en pratique ce commandement ou non. Non, tu dois et tu n'as pas le choix que d'obéir à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, il y a une erreur que font beaucoup de gens à notre époque. Lorsqu'un ordre d'Allah ou de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam leur parvient, ils posent la question: est-ce que cela est obligatoire ou surérogatoire? Comme le disent beaucoup de gens à notre époque. Lorsqu'on leur apporte un jugement, ils disent: Mais ce jugement, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que il y a possibilité de ne pas le faire? قال الشيخ الفوزان قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا السؤال يجب طرحه وأن لا يورد لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يمتثلون ويصدقون بدون أن يسألوا نقول في حالة إذا ما وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجوب أم لغير الوجوب. الشيخ ابن عثيمين dit cette question ne doit pas être posée, à savoir lorsqu'un commandement nous vient ou un jugement d'Allah et de son envoyé, de poser la question est-ce que ceci est obligatoire ou surérogatoire. Cette question ne doit pas être posée, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait une chose, ils la mettaient en pratique et croyaient en tout ce que leur disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans poser de questions. Sans poser de questions, car de trop poser de questions est une cause d'égarement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Ceux qui étaient avant vous ont connu l'égarement car ils posaient beaucoup de questions à leurs prophètes et le contredisaient beaucoup. Donc de trop poser de questions n'est pas bon et peut être une source d'égarement pour la personne. Et Cheikh Ibn Uthaymeen exclut un cas, à savoir lorsque la personne se trouve dans une situation où elle a été à l'encontre d'un commandement. Ici, la question est justifiée. C'est-à-dire lorsque tu as fait une chose interdite ou lorsque tu as manqué à une obligation, là, tu as le droit de demander est-ce que cet acte est obligatoire ou est-ce qu'il est surérogatoire. C'est-à-dire, c'est là où l'importance de savoir si cet acte est obligatoire ou non intervient, à savoir si tu as effectivement commis un péché ou si tu n'as seulement délaissé qu'une chose de surérogatoire. Si tu as commis un péché, alors tu devras soit demander le repentir si c'est un grand péché, ou soit demander à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne si c'est un petit péché. Et si c'était une chose surérogatoire, délaisser une chose surérogatoire n'est pas un péché en islam. N'est pas un péché en islam. الثالث أن يتجنب على ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بدون تردد ولا يقول هذا ليس في القرآن فيهلك لأننا نقول ما جاء في السنة فقد أمر القرآن باتباعه. Troisième chose qui découle de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, c'est de s'abstenir de tout ce dont nous a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucune hésitation, et ne pas dire que ceci n'est pas dans le Coran. Car celui qui se contente d'appliquer que ce qu'il y a dans le Coran connaîtra l'égarement. Et nous disons, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, ce qu'il y a dans la sunnah, le Coran nous a obligés de le suivre. Ce qu'il y a dans la sunnah, le Coran nous a obligés de le suivre. Allah Azza wa Jalla a dit, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ dans le verset Ayatul Mihna, dans le verset de l'épreuve, Allah Azza wa Jalla a dit, dit, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, c'est-à-dire à ses polythéistes, qui prétendent aimer Allah, dis-leur قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi et Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés et c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ, et c'est lui le clément et le pardonneur subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla nous ordonne dans ce verset de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الرابع أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان الإمام من الأئمة من أئمة المسلمين على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك أنت والإمام يلزمكم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Ce qui découle, la quatrième chose qui découle de l'attestation que Muhammad est l'envoyé d'Allah, c'est de ne précéder aucune parole devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de ne précéder la parole d'aucun être humain devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il est interdit de précéder la parole d'un tel ou un tel. Parmi les savants de l'islam et les imams des musulmans, de précéder leur parole devant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car, comme le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, car toi et cet imam, il vous est demandé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Khamis, an la yabtadi'a fi dinillah ma lam yati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, sawa'un aqidatan aw qawlan aw fi'lan, wa ala hadha fa jami'ul mubtadi'in lan yuhaqqiqu shahadata anna Muhammadar Rasulullah li'annahum zadu fi shar'ihi ma laysa min wa lam yata'addabu ma'ar rasul sallallahu alayhi wa sallam. La cinquième chose qui en découle, c'est de ne pas innover dans la religion d'Allah ce que n'a pas apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ceci soit une croyance, une parole, un acte. Aucune innovation n'est acceptée dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'ensemble des innovateurs n'ont pas appliqué l'attestation qu'il n'y a de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, car ils ont rajouté dans sa législation ce qui n'en fait pas partie. Ils ne se sont donc, ou ils ont manqué alors à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, car le fait qu'ils aient innové, ceci sous-entend, et ils disent de façon indirecte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accompli sa mission, et qu'il y a beaucoup de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dites, et que la religion n'est pas complète. Le fait d'ajouter et d'inventer des adorations dans la religion sous-entend le fait de considérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme n'ayant pas accompli la transmission de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris comme témoin ses compagnons radiallahu anhum, qui sont les meilleurs de cette communauté, les a pris comme témoin à plusieurs reprises: Allah al-ballard, Allah al-ballard, Allah al-ballard, ai-je transmis, ai-je transmis, ai-je transmis. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont tous attesté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis le message de la meilleure des façons, et qu'il a donné de façon complète ce qu'Allah azza wa jalla lui avait ordonné de transmettre. As-sadis an la yabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu wa ala hadha fa alladhina yabtadi'una al-ihtifal bil mawlid an-nabawi ناقصون في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله لأن تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منها. Sixièmement, de ne pas innover concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas innover des choses qui concernent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ce fait on ceux qui fêtent l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont innové dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par ce geste et par cette célébration, ils n'ont pas attesté comme il se doit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Car d'attester que Muhammad est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceci impose que tu ne dois pas ajouter dans sa législation sallallahu alayhi wa sallam. As-sabi' an ta'taqid bi anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laysa lahu shay'un min ar-rububiyyah ay annahu la yud'a wa la yustaghath bihi illa fi hayatihi fima yaqdiru alayhi فهو عبد الله ورسوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. La septième chose qui en découle, c'est de croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucun pouvoir dans la seigneurie. Il n'a aucun pouvoir dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une divinité. Il ne doit pas être invoqué. On ne doit pas demander son secours. Sauf lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Alors il était autorisé de demander son secours dans ce qu'il pouvait apporter. Dans ce qui était dans sa possibilité physique sallallahu alayhi wa sallam d'apporter. Autrement dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était en train de se noyer au milieu de l'océan Indien et demande l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est interdit et considéré comme de l'associanisme et considéré comme prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme une divinité en dehors d'Allah. Mais si au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme était en danger et qu'il sollicite le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est à proximité de lui, tout en ayant la possibilité de lui apporter ce secours, alors cette demande est justifiée. Allah Azza wa Jal a dit, pour attester que son envoyé est un serviteur d'Allah, il dit, en ordonnant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, « قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا دَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ » dit, « Je ne détiens pour moi-même ni profit, ni mal, sauf ce qu'Allah veut. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas apporter du bien et ne peut pas apporter du mal à lui, sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autrement dit, c'est un serviteur d'Allah azza wa jal, c'est un esclave d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à plusieurs reprises, « Innama ana abd, faqulu abdullahi wa rasuluh. » Je ne suis qu'un esclave. Dites, l'esclave d'Allah et son serviteur. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك